Julien Arvont. Bonsoir. Tous les canards vont enfin à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Bon, on se rafraîchit un petit peu par un temps pareil. On se rafraîchit un petit peu et en route pour la 300e des canards. 303e des canards, ouais. Si. Si, si. Parce que, ben oui, vous savez, on fait des breaks comme ça de temps en temps, de manière un peu impromptue. Et pas voulu, pas spécialement voulu. Mais là, c'est bon, on y est. Et donc, à ceux qui se poseraient déjà des questions, ouais, mais pendant les vacances, vous êtes encore 2 mois pas là. Non, on sera là pendant les vacances, un petit peu. Ouais, quand même. On aura un break. Il y a des chances. Mais on sera quand même là. Oui. Voilà, comme ça, les gens sont un peu rassurés. Pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Allez, on démarrait cette nouvelle émission avec Soundgarden, fatalement, j'ai envie de dire. Et fatalement, je pèse mes mots. Puisque Chris Cornell s'en est allé. Oui. C'était mercredi 17 mai, 52 ans, 3 mômes. Soundgarden venait de reprendre une série de concerts. Bon, bah, de manière un peu, évidemment, pour le portefeuille. Hein, ils font un peu tout ça, quoi, forcément. On joue un peu sur la nostalgie, mais c'est pas très très grave, finalement. Et on démarrait avec ce fameux Jesus Christ Pose. Vu les circonstances du décès, pensez ce que vous voulez, évidemment, qui figure sur l'album Bad Motor Finger, qui sort en 1991. Ça sort chez Sub Pop à l'époque, qui est le label grunge par excellence. Et on a ce groupe qui arrive et qui délivre un rock psyché très lourd, le mix improbable entre Grateful Dead et Black Sabbath. Ils pouvaient le faire, ils l'ont fait notamment sur ce morceau-là. Voilà, petit morceau de bravoure quand même. Hein. Ouais. Qu'on soit fan ou pas du groupe, pas pour ma part en tout cas. Pour moi non plus. Mais on peut reconnaître quand même qu'il y avait des petits moments un peu suspendus comme ce Jesus Christ. Et l'album d'ailleurs, Bad Motor Finger, que je vous invite à redécouvrir tant qu'à faire. Bah voilà. Puisqu'il y a des Soundgarden qui circulent sur tous les YouTube des Facebook du monde. Forcément. Donc il y aura bien un qui aura mis l'album en entier pour écouter et l'album est très très bon. Allez, au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Korenko. Le fil rouge. Oui. Alors je me tâte un peu au niveau de l'archive. Un petit peu 45 tours, un peu machin. Vous verrez, j'ai envie de dire. D'accord. Ouais, ça sera peut-être à voir avec le fil rouge. Je n'en dis pas plus. Oula. Voilà. Et donc, ça ne sera pas du vinyle qui craque. Si, ça a à voir avec le fil rouge. Ça sera un disque laser. Oh mon Dieu. Un compact disque. Un compact disque. Parfaitement. Un steady. Enfin, bref. Bref. Bref. Mm-hmm. Et puis, Books on the Radio. Ouais. Et... 2 pour le prix d'un. C'est pas beau, ça. Sérieux ? Mais oui. Bon. Le retour, hein, je le retour. Ouais. Voilà. Et donc, c'est de la place, évidemment. Parce que de c'est quand même, c'est à la place de l'archive du dimanche. Il y aura de la place pour l'archive du dimanche. L'archive du dimanche qui est un ultra classique. Super classique. C'est ultra classique, voilà. Il y aura du classique ce soir. Il y aura un peu de classique. Allez. Si, bah écoute. Bon, on va pas perdre beaucoup de temps parce que évidemment on a un programme qui est bien chargé. C'est fort bien comme ça. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc, Et un petit gros coup de cœur. Oufti. Ouais. Ouais, j'ai eu 2 mois pour en chercher un. J'en ai trouvé un. Trio qui nous vient de Paris. Le groupe s'appelle Agap ou Egeps. C'est selon. Selon, mais comme ils sont français. Agap. Agap, c'est bien. Même si leur petite description, tout est en anglais. Faut vendre à l'international, ma petite dame. Enfin. Tout à fait. Enfin. Tout à fait. Donc parisien. Alors trio sans guitare. Ah bon. Ce qui est de plus en plus rare. À mon avis. Et on retrouve... Ça ferait une bonne baffe à tous ceux qui font des trios sans basse. Ça... Bah pour une fois, c'est l'inverse, tu vois. Il y en a qui sont contents. On retrouve Thomas Souriau à la voix, Thibaut Donker à la basse et Antonia Philippon à la batterie. Oula, basse batterie. Basse batterie, voix. Voilà. Voilà. Bon. Premier album, éponyme, le groupe existe depuis janvier 2016. Ah ouais, c'est... Donc c'est un jeune groupe, mais eux sont pas tout jeunes. Non. Encore une fois, ça va d'ailleurs s'entendre. Ils ont déjà fait des petites affaires à gauche à droite. Je pense bien, à mon avis, oui, y a pas de souci. Premier extrait pour cet album éponyme, donc on va écouter le morceau qui ouvre l'album, ça s'appelle Haïku. Butterfly wing, like a church window, church window. Thank you. Allez, Agape, extrait de leur premier album éponyme, album de la semaine. On écoutait Haïku. Fort bien. N'est-ce pas? Ah ouais, fort bien, franchement. Une belle entrée en matière pour ce trio parisien. Premier album, donc? Premier album. Bah dis-moi. Sorti chez Third Coming Records. Mm-hmm. Voilà. Alors, petite explication du nom du groupe. Mm-hmm. Agape, parce qu'il n'y a pas grand-chose à trouver sur eux. Malheureusement. C'est vrai. Jeune groupe. Donc Ouais, mais bon, on pourrait écrire des pages et des pages. Peut-être. C'est pas encore le cas. Peut-être plus tard. Hein, mm-hmm. Donc les Agape, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Ou pas. Ou pas. Alors ce sont habituellement les repas que prennent les pratiquants après les rituels dans le catholicisme dans la franc-maçonnerie. C'est ça. Alors, donc ils expliquent en anglais sur leur page donc que ces gens célèbrent leurs croyances, discutent des idées et débattent pendant qu'ils mangent et qu'ils boivent ce qui est servi devant leurs yeux. Ils se nourrissent avec à la fois les choses terrestres et spirituelles. Pour nous, c'est juste de la musique. Voilà. Pour nous, le mot agape n'appartient à aucune sphère religieuse. Et en fait, ils prennent ce mot en fait pour eux-mêmes. D'accord. Donc, ils les représentent en fait. Puisque pour eux, la connaissance du monde et d'eux-mêmes est la clé de la vérité, de l'empathie et de la liberté. Bon. Voilà. Franc-maçonnerie n'est pas loin. Oui, ils disent quand même. Donc la connaissance n'appartient ni à la religion, ni à un gouvernement, ni à une compagnie mondiale. Nous sommes Agape. Bon. Allez, des gens qui ont des idées comme ça. C'est pas mal. C'est bien. Et ça sonne bien. Hein. Ça sonne très bien. Ça claque bien dans la langue. C'est avec ça. La langue Agape. C'est bien. Agape. Ouais. C'est facile à retenir. Ouais, ouais, en plus. Allez, deuxième extrait pour cet album éponyme des Parisiens d'Agape. On va écouter Faraway God. Yeah. RQC 95 FM. Crystal Ferry, un petit peu un groupe, super groupe, phénomène qui est arrivé en ce début d'année. L'album sortait le 24 février 2017, ça sort sur Ape Cake Recordings, le label de Mike Patton. Et Crystal Ferry, c'est la rencontre, le copinage, hein, parce que ça sent vraiment l'album d'un truc pote, de Melvins d'une part, Buzz Osborne et Dave Grover, de Omar Rodriguez de At The Drive-In, The Drive-In qui est venu aussi d'ailleurs, ouais, hein, entre-temps, et de la fameuse Terry Bender, Gender de Le Butcherette, phénomène, hein, de l'an dernier. Ils se sont un peu réunis, je pense que ça part d'une blague, et puis c'est devenu un album, qui est, voilà, 6 sur 10, quoi. Hein, ouais, moyen, quoi. Et donc ça, c'est le morceau éponyme Crystal Ferry, qui sera l'album Crystal Ferry. On écoutait Crystal Ferry. C'est parfait. Genre, genre c'est pour être sûr que c'est Christelle Ferry, on soit sûr. Pas de soucis. On comprend bien. On avait compris. Voilà. Allez, fil rouge. Le fil rouge. Toujours avec monsieur David Bowie, on arrive petit à petit à la fin. C'est vrai. Bah oui, faut bien à un moment donné. Nous sommes en 2002. C'est clair que si t'avais fait Joy Division, ça va plus vite. C'est vrai. Mais ça, je te laisse faire. Tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Bon. Ceci, parenthèse fermée. Voilà. Revenons à nos moutons. C'est ça. David Bowie, 2002, sort l'album Hidden. Hidden. Et on retrouve son producteur, Tony Visconti. Sur cet album qui n'était plus réapparu depuis 1980. Mmh. Et son guitariste, Reeves. Gabriels. Yeah. Mmh. Voilà. À la base, normalement, il devait enregistrer un album qui s'appelle Toy, qui n'a jamais été enregistré, entre guillemets. Bon. Voilà. Mais on retrouvera des morceaux de ce Toy. Fameux album non enregistré sur Hidden. D'accord. Voilà. Donc, il a peut-être été enregistré quand même. C'est ça. Mais pas, c'est un peu. Pas c'est fini, un... pas mixé, pas machin. C'est ça, c'est ils un peu nous... brumeux et il a changé le nom. Et ils vont nous faire ça dans 5 ans, quoi. C'est ça. En gros, c'est ça. On retrouve notamment sur cet album le guitariste des Who. Oui. Voilà. On retrouve également Dave Grohl. Oui. On retrouve le claviériste de Dream Theater. D'abord, carrément. Bah oui, oui, oui. La pianiste Christine Young. Et notamment, bien sûr, le bassiste de King Crimson. Ah ouais. Il y avait du monde sur cet album. D'accord, ah ouais. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de monde sur ce disque. Eh ben, il y a du monde sur ce disque. Bon. Figure-toi. C'est déjà pas mal. Allez, c'est aussi réuni entre potes, là. Je pense. Pourquoi pas. C'est dit, ouais, pour que ça sorte, je vais ramener quelques portes. Je sais pas. Ouais. Voilà. Allez, extrait de cet album Hidden. On va écouter le morceau Cactus. Ah. Bah oui. C'était une reprise. C'est ça. D'un groupe qui s'appelle les Pixies. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, presque. Surfer Rosa, 1988. Et évidemment, grand fan Bowie des Pixies. Tout à fait. C'est pas fin comme ça. Non, non, c'est vraiment un vrai fan des Pixies. C'est vrai. Donc c'est bien. Bah oui. Et donc il rend hommage aux Pixies. C'est toujours bien les fans des Pixies. Toujours. Allez, David Bowie, Cactus. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and send it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean sitting here Hey hey, les petites news de musique brillante et agitée en compagnie de Korenko. Korenko qui est un webzine français qui propose des chroniques, propose des interviews et propose aussi pas mal de news. Et donc même s'il y a beaucoup de métal, m'a-t-on dit, c'est vrai, dans cette station, ben on fait quand même une petite incursion chez nous. C'est ça. Dans le métal aussi. Voilà. Il y a beaucoup de guitares par ici. On célèbre toutes les musiques. C'est ça. Les canards ont fait toutes les musiques. C'est ça. Bon. Allez, évidemment, après 2 mois d'absence, vous parlez des news il y a 2 mois, ça serait un peu bête. C'est plus vraiment des news. Voilà. On va s'arrêter plutôt sur ce qui s'est passé la semaine dernière et notamment cette annonce. Fantomas qui va revenir sur scène. Fantomas, c'est la rencontre entre, entre autres, Mike Patton. On parlait d'Apcac Recording là. Mike Patton et les Melvins. Voilà, plus Dave Lombardo de Slayer. Bon, voilà. Hein. Et ces gens vont être très Spence de Mr. Bungle. Voilà. Mm-hmm. Ces gens vont se remettre à jouer sur scène des morceaux. Oui. Et figure-toi qu'ils reviennent, alors c'est aux États-Unis évidemment, ils reviennent pour un concert le 24 juin prochain. C'est bientôt. Essayez de retrouver un peu où ça se trouve, et si vous êtes aux États-Unis, bah ouais. Puisque ils jouent comme ça en toute amitié, presque j'ai envie de dire intimité, avec des petits groupes pas très importants comme Primus, Melvins, Clutch et Tool. Après, c'est des petits groupes. Qui va les accompagner pour leur retour. Bon, ben voilà. Il y a pire comme retour. Il y a pire comme retour, effectivement. Allez, dans les news, évidemment, il y a Gloom qui a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Perseus. C'est juste en ligne, mais il y a une esthétique assez particulière. J'ai pas vu les images, une esthétique particulière dans l'approche du son. Prochain album qui s'appelle Solaris sortira le 2 juin prochain. Bah ouais, prochain, parce que juin, ça arrive évidemment. Dans les news encore, bon, les Metallica, ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé. Là, c'est normal. James Hetfield qui est interviewé par un tcho, ça se passe à Little Punk People, c'est une émission où il y a des enfants qui interviewent des grandes stars, et notamment des grandes stars du métal, comme par exemple James Hetfield. Voilà. Je me dis, moi je connais des mômes ici qui traînent autour de la radio, que ça les intéresserait de faire une interview avec James Hetfield. Je n'en Tout dis pas. Tout à fait. Je pense qu'ils se reconnaîtront. S'il écoute, il se reconnaîtra. Le Motoculteur Festival de 2017 voit son affiche un petit peu grandir, évidemment. Hein. On va rentrer en plein dans les festivals. Devil Thousand Project, Paradise Lost, Monkey Free, Head Sphere. Bon. Voilà, il y a de quoi faire. La fiche complète, si j'y arrive, je vais cliquer dessus. Pouf, voilà, on y est. Notamment, Obituary, voilà, Suffocation, Blue Pills, Holy John Ross, Battle Beast, Radio Moscow, Revocation. Et alors, il y a Guy Drey qui est atterri là-dedans, en plein milieu de cette affiche-là. D'accord. C'est assez amusant. Je trouve ça assez amusant. Quoi. Oui. Bon. Je sais pas si les métalleux vont trouver ça amusant. Texture, c'est les Néerlandais les Hollandais de Texture qui ont fait une annonce le mercredi, voilà, 17, comme quoi ils se séparaient après une dernière tournée qui va pas trop s'étendre, mais qui va passer notamment en France, à Paris ou encore à Lyon, voilà. Et puis, c'est la fin pour ce groupe qui a quand même une quinzaine d'années derrière eux. Hein. Bon, à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, ça s'arrête. Voilà. Allez, on poursuit dans les news. Évidemment, la news de cette semaine, bien évidemment, c'est le décès de Chris Cornell, chanteur de, entre autres, Temple of Dog, Soundgarden et Audioslave. Ça, c'est dans l'ordre, évidemment, des groupes dans lesquels il a presté. Joue en concert le mardi et puis on n'a pas trop annoncé de quoi s'agissait sa mort, mais on l'a retrouvé mort évidemment puisqu'il s'est suicidé et il se serait suicidé voilà, mais à Détroit, 52 ans, 3 enfants, c'est ce que je disais en introduction. Et donc toute cette semaine il y a eu un petit peu de discussion autour de Soundgarden, les pour, les moins, mais un avis assez unanime quand même pour les capacités du bonhomme, une certaine sympathie qui dégageait, ça, ouais, oui, hein. Probablement. Oh, oui. Et puis, ouais, pas un manchot niveau guitare et un bon chanteur, donc voilà, après, on aime ou pas le style, mais quelqu'un qui savait faire les choses, quoi. Allez, Prong, qui va sortir un nouvel album, ça va s'appeler Zero Days, ça sortira le 28 juillet prochain. C'est assez solide, hein, évidemment. Il y a 14 titres et il y aurait du Ministry qui traîne derrière dans la production de cette affaire. Voilà, bon, c'est pas très étonnant non plus. Hein. Non. Mais non, Tommy Victor et Raven, Feu Raven ont encore traîné chez Ministry dans le temps, donc voilà. C'est même plutôt normal. Allez, c'est plutôt tout pour les news, hein, puisque le reste après, il y a évidemment plein de sorties de petits groupes qui veulent se faire une place, et donc c'est bien d'aller découvrir un petit peu tout ça sur Kurenko, sur le webzine évidemment. L'album, tiens, boum, choisi, chroniqué cette semaine, et j'avais pas préparé, hein. Ah bah c'est bravo. Du direct live, et bon, on perd les petites habitudes, hein. Conformicide du groupe Avok. Avok, c'est un vieux groupe américain qui fait plutôt du thrash metal, voilà, qui revient en 2017 sans rien prétendre, mais avec un album assez solide et assez bien fait. Ça sort chez le label Century Media Records. Il y a une douzaine de titres sur cet opus et voilà, c'est du thrash un peu à l'ancienne, mais façon overkill, mais bien carré, donc finalement ça passe très très bien. Conformicide, Avok, extrait de cet album pour ce soir. On va écouter Peace in Pieces. Peut-être un hommage à Donald, ouais. Elle va savoir. C'est parti. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Allez, le petit morceau groove du soir. Mm-hmm. Monsieur George Benson. George. Mm-hmm. On Broadway. Ouais. Reprise des Drifters. Ouais, c'est vrai. Sorti en 1978 sur un album live qui s'appelle Weekend in LA. Bon, en espérant qu'il ait passé un bon week-end finalement. Je pense qu'il a dû passer un bon week-end. Probablement. Bon, allez, on va descendre dans la cave, on va faire un tour du côté de chez le mouvement gothique comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et on va causer de David Bowie. Ben ouais, puisqu'il est toujours à l'honneur chez nous. Il y a une compilation. Alors, ce ne sera pas du vinyle qui craque, hein, comme ça je vous préviens, ça sera du disque laser. Il y a une compilation qui est sortie en 1999 qui s'appelle Tribute to David Bowie, Got Oddity. Voilà, sur un label, c'est culte quand même, qui s'appelle Cléopatra. Je vous dirai pourquoi les cultes après. Et c'est sorti un petit peu dans la différence générale. C'était un coffret double album. Il y avait un espèce de best-of des meilleurs groupes de Cléopatra de l'époque, on est en 1999. Et le deuxième disque exclusivement consacré à David Bowie. Ce qui est assez drôle, c'est que les groupes ne sont pas spécialement connus et ou ont disparu, c'est selon. Hein. Bon, dans les plus connus quand même, il y a évidemment The Mission, Alien Sex Fiend, Jane Loves Jezebel, voilà. Cinema Strange aussi, Christian Death, mais il y a des gens comme Tubalcan, un groupe qui s'appelle Andy Warhol, Always Crashing in the Same Car. Bon, voilà. Et il y a ce groupe australien qui s'appelle Big Electric Cat, qui existe depuis 1992, qui est toujours en activité. J'ai découvert ça aujourd'hui. Voilà. Big Electric Cat, qui est un groupe presque de commande, puisque c'est des amis qui font de la musique dans un bar, et il y a le patron du label Cléopatra qui trouve ça génial. Et venez enregistrer un disque chez moi et tout. Ouais, mais non, mais nous, on fait autre chose dans la vie. Non, venez. Ouais, mais non, mais enfin, bon, tu sais, on est un peu occupé quand même. Bref, le mec, il pousse un peu. Au final, en 93, il enregistre un premier album qui marche pas très très bien. Pas de problème, en 95, le patron remet ça en disant « Il faut absolument vous sortir votre deuxième album, s'il vous plaît. » Bref, c'est rare que ce soit comme l'histoire de patron fan, ça existe. Bon, évidemment, c'est souvent dans des moments plutôt obscurs et pas trop connus, mais ça existe quand même. Et donc, le groupe a fait un deuxième album qui a un peu mieux marché. Et au final, le groupe est toujours en activité, je disais donc, depuis 92, ce qui est quand même vraiment respectable. Voilà. Cléopatra, c'est un groupe qui s'est... Qui se consacre maintenant plutôt à des groupes comme Christian Death, justement, Switchblade Symphony, Laserstrip, Electric Hellfire Club. Travaille aussi avec, par exemple, Gary Numan quand il n'est pas en tôle, et avec Skinny Puppy, bon, ouais. Voilà. Mais ils se sont surtout fait connaître pour sortir des espèces de face B, ou en tout cas de disques... pas vendable tout de suite, voilà, les fonds de caisse, les fonds de tiroir, pour des gens comme Amon Djoul, comme Tangerine Dream, comme Rick Wakeman de Yes forcément, et même Santana. Ça, mon Dieu, rien à voir. Voilà. Bon, et donc ils se sont fait un petit peu de tout avec ça, et puis après ils sont partis vraiment dans leur trip plutôt goth. On se retrouve donc sur cette compilation Got Oddity, le tribute David Bowie. Assez surprenant, hein, vraiment, parce que même les titres choisis, il y a Tam, il y a All the Mind Men, il y a After All, il y a Rick Rage, Silent Order, bref, même pas Hang On To Yourself, même pas les titres les plus connus qui sont repris par ces groupes pas connus. Allez, voilà une démarche quand même. Big Electric Cat pour ce soir qui reprend, et là c'est connu évidemment, en plus c'est probablement mon Bowie préféré, pour ça que j'ai choisi Cat People, Putting Out Fire, c'est parti. Thank you. One line. One line. A paper. A sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio. Mm-hmm. Et je vous avais dit deux pour le prix d'un. Carrément. C'est pas beau ça. C'est dingue. Ils sont là tous les deux. En fait, c'est une suite. Ah. Donc, voilà. Pour pas spoiler. D'accord. Voilà tout le truc. Okay, okay, je parlerai plus ou moins des deux. Mm-hmm. Principalement du premier. Le voleur de regard de Sébastien Fitzek. Mmh. Alors, Sébastien Fitzek est devenu un maître du polar allemand. Ah bon ? Voilà. Oui, oui, tout à fait. Né à Berlin en 1971, il est écrivain et journaliste. Mmh. Il avait sorti en 2006 Thérapie, qui est en fait son premier bouquin et son déjà premier gros succès littéraire. Et ça a mis du temps avant d'arriver chez nous. D'accord. C'est pour ça. Okay. On en parle que maintenant. Alors, le voleur de regard et le chasseur de regard, donc c'est deux bouquins qui se suivent donc à lire dans l'ordre, le voleur de regard et puis ensuite le chasseur de regard. D'accord. Et il faut absolument lire les deux et pas l'un sans l'autre parce que ça ferait un peu bizarre. Ah ouais. Voilà. Alors, le voleur de regard, on retrouve un journaliste, Alexander Zorbach, qui est en fait un ancien de la police. Qui était en fait un négociateur et qui a été mis en fait un peu sur la touche puisque il était sur une enquête et, d'une femme qui volait en fait des bébés parce qu'elle avait perdu le sien quand elle était sympa. Enceinte et elle avait notamment volé un bébé qui avait une maladie assez grave puisque il ne pouvait pas respirer tout seul, pas longtemps en tout cas. Ah ouais. Voilà, donc il avait peur en fait qu'elle se jette d'un pont avec, avec ce bébé, donc il a tué la femme. D'accord. Voilà, donc c'était un peu une bavure, entre guillemets. Et donc il va quitter son métier de policier, il va devenir journaliste dans un quotidien de Berlin, un peu torchon, voilà, dire ça comme ça. Et il s'occupe forcément de la page... judiciaire. Mmh. Et donc c'est un homme qui est divorcé de sa femme depuis l'époque où il était policier puisqu'il a complètement un peu pété les plombs. Mmh. Papa d'un petit garçon. Mmh. Voilà, mais qui vit tout seul. Et il va entendre en fait un appel comme quoi le voleur de regard qui est un serial killer, a remis le couvert. Alors, serial killer, pourquoi ? Parce que il rentre dans une maison, il tue la mère, toujours la mère, et il enlève l'enfant. Bon. Qu'on retrouve quelques heures plus tard, mort lui aussi. Voilà. Mort noyé, avec l'œil gauche retiré. Waouh! Sympathique, d'où le voleur de regard. Eh ben, comment entre en matière? C'est, oui, voilà. Et donc, nouvelle affaire. Et on apprend, c'est pas, voilà, c'est, je vais pas spoiler, que le voleur de regard, en fait, met un compte à rebours, donc dans la main de la mère, qui correspond aux heures que l'enfant a à vivre. Ah, donc, punaise. 45 heures et 7 minutes, exactement. Et donc, le petit souci, c'est que le policier qui est en charge de l'affaire va retrouver le portefeuille de d'Alexander Zorbach sur la scène de crime. D'accord. Et c'était le journaliste le premier arrivé sur les lieux. Ok. Bon. Donc, forcément, il va être le principal suspect dans toutes ces affaires. Ah ben oui. Et c'est là qu'il va rencontrer... Ça se finit pas là, c'est que le début. Qui va rencontrer une jeune aveugle qui est un peu qui est kinée en fait, et qui en touchant les gens voit des images. D'accord. Donc il y a un côté un peu Mystique dans l'affaire. Et tous les deux, ils vont se mettre à, pas à la poursuite du voleur de guerre, mais plutôt à essayer de sauver les deux enfants, en fait, qui ont été kidnappés par le voleur de guerre. Oufti. Voilà. Ça, c'est pour le voleur de regard. Ouais. Un beau bébé, quand même. Il y a une suite, donc vous vous rendez bien compte que le voleur de regard n'a pas été arrêté. Mm-hmm. Ouais, je ne vous spoil pas la fin. Dans le chasseur de regard, ils sont un peu... Qui s'appelle le chasseur de regard? Bah ouais, forcément. Bah oui. Voilà, ça me paraît logique. Ouais. Ils sont toujours à la chasse au voleur de regard. Mm-hmm. Mais se rajoute un autre serial killer. Voilà. Eh oui, ophtalmologue. Non. Si. Qui, si, forcément. Qui, en fait, a été incarcéré. Mais, en fait, les femmes, puisque c'est un violeur et un gars qui coupe les paupières, en fait, de ses victimes. Ophtalmologue, après tout, pourquoi pas. Et qui est incarcéré. Le seul souci, c'est que sa dernière victime, qui est censée témoigner, mmh, est devenue complètement folle. D'accord. Et les autres victimes se sont suicidées. D'accord. Voilà. Donc, il est relâché, et etc. Ah ouais, quand même. Voilà. C'est du solide. C'est du solide. Alors, le voleur de regard, il faut s'accrocher, en fait, les 80 premières pages. Ouais. Où c'est un petit peu lent à se mettre en place, mais où on met en fait en place plutôt les personnages principaux. Et après, ça part dans tous les sens. Par contre, le chasseur de regard, forcément, comme c'est la suite, ben ouais, c'est direct. Waouh. Voilà. Alors, il y a plein de choses dedans. Enfin, ouais. Alexander Zorbach, il va en voir des vertes et des pas mûres. Ouais. Et l'épaisseur du personnage, un petit peu, parce que ça paraît pas mal quand même, rapport à son affaire où finalement il change de métier et tout ça. C'est un personnage en fait qui est finalement, vous l'aurez compris, pris pour cible. Mm-hmm. Et donc le tout c'est de savoir par qui et pourquoi. Ouais. Voilà, donc c'est à la fin. Bon. Je vous rassure. On sait qui est le voleur de regard et on sait qui est l'ophtalmologue, de toute façon ça, c'est sûr, c'est lui, mais. D'accord. Mais il y a plein de choses dedans. Je ne peux pas en raconter plus. Il y a, la fameuse patiente qui est devenue complètement folle. On retrouve un psychiatre qu'on retrouve en fait dans Thérapie, le tout premier bouquin. Ah ben oui. Voilà, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrechoquent. Qui se croisent. Ouais. Bon, ça sort en poche chez J'ai lu, si ouais, je vois bien. Oui, ben oui. Hein. Voilà. Sébastien Fritzek. Fritzek. Qui a sorti pas mal de bouquins. Ont l'air pas mal. Alors, si vous voulez commencer par un thriller qui est un peu plus psychologique, il faut prendre Thérapie. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il y a sorti pas mal de thrillers psychologiques, en fait. Et si on veut aller dans le gore, on prend ces deux-là. On prend ces deux-là, ou alors il y en a encore d'autres, bien sûr. Bon. Côté ça, parce qu'il y a déjà sorti quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bouquins. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, Sébastien Fitzek, le voleur de regard, suivi du chasseur de regard. Allez, ben bonne lecture du coup. Bah oui. On reste en Allemagne ou presque, puisque le groupe est issu pour moitié de Berlin et sinon de Manchester. Hein, ça groupe, tombe bien. Bah ouais. Germano-anglais. C'est du vinyle qui craque. Alors, je pense qu'il a été chroniqué dans les albums de la semaine. Oui. The Underground Youth. Oui. Voilà, c'est ça. L'album s'appelle What Kind of Dystopian Hellhole Is This? Et ça sort chez First Club Records. Ça reste, on est dans le post-punk en plein, mais ça reste quelque chose de très très très recommandable, évidemment. Your Sweet Love, un peu de douceur après ces moments gore, qui est une reprise, figurez-vous, de Lee Hazelwood sur ce disque. Et pour la petite histoire, le vinyle est rose. Oui, tout à fait. We'll be right back. Allez, suite et fin de l'album de la semaine. On est toujours avec le trio parisien. Vie. À Gap. Alors, à savoir en fait que l'album est sorti en janvier 2016. D'accord. Et donc, on n'en parle que maintenant. Pourquoi ? Bah, ça fait son chemin. Bah oui, c'est ça. C'est juste parce qu'ils ont sorti un clip. Ah ouais, voilà. Voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on est tombé dessus. Ça a attiré l'attention. Tout à fait. Bon. Alors, pas de tournée de prévue. Forcément, ils avaient fait une tournée en 2016. Oui. Mais bon. Bon, c'est bien. Peut-être que. Oui. Bien possible. Allez, dernier extrait pour l'album de la semaine à Gap. On va écouter Black Groove. Vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Somebody shouting up at a mountain, only my own words return. Nobody's Allez, il sort d'un grand classique, 1972, l'album Machine Head, dont on écoutait en premier extrait Pictures of Home, qui est sur cette plaque, en tout cas peut-être pas le morceau le plus diffusé dans le monde en radio, non. Mais qui est très très bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de très mauvais morceaux, on va dire, sur ce disque. Disque pour Deep Purple qui figure leur 6e album, figurez-vous, en 1972. Et Deep Purple qui a vu le jour 4-5 ans auparavant, et on est déjà au 6e album. Bah oui. Ça donne déjà une idée, évidemment. dans la petite biographie, évidemment, tout à fait incomplète parce qu'on ne va pas passer 5 plombes là-dessus. C'est un groupe qui est connu pour faire quelques reprises, alors plutôt rhythm and blues et plutôt rock, voire même rockabilly, voilà. Une bande de copains, même pas copains, mais de musiciens vont se réunir, vont prendre un nom qui s'appelle les Roundabouts, ce sera en 1967. Et ils vont jouer ensemble. Ils vont pas être tout de suite ensemble, mais au moment où ils vont se rejoindre, ils vont prendre le nom de Roundabout. Ça va pas du tout marcher pour eux. Même en faisant plus de reprises que de morceaux originaux, c'est un petit peu dans la différence totale. Totale ou presque, parce qu'ils vont quand même réussir à partir en tournée au Danemark et en Suède en avril 1968. Ils vont se bloquer sur leurs meilleures reprises, ceux qui savent faire le mieux, évidemment. On est dans un univers assez proche tant de Jimi Hendrix que des Beatles, par exemple. Voilà, ils choisissent entre avoir des guitares un petit peu plus lourdes et quelques mélodies, voilà, quelques poperies. Ça va prendre quand même, mais pas comme ils veulent. En rentrant, ils disent, il y a un truc qui va pas. Ils vont commencer à plancher sur le nom. Et puis ils vont adopter le nom Deep Purple, qui est une chanson des années 30, un standard avec un petit gimmick que la grand-mère d'un des musiciens, Ritchie Blackmore, jouait tout le temps au piano. Voilà, et donc il y aura en tête ce Deep Purple, et ils vont adopter le nom Deep Purple. Voilà d'où vient Deep Purple. On va un peu plus loin dans le temps, on est en 68, on s'en va 4 ans plus tard, on est en 72. En 72, ils sont occupés de se réunir pour faire un album. Leur 6e donc, qui n'a pas encore de nom. Ils prennent un peu de temps pour l'enregistrement et puis ils se retrouvent à Montreux, au Jazz Festival, où il y a un certain Frank Zappa qui est occupé de jouer. Oui. C'est important ce que je dis là. Lorsque un fan va utiliser un pistolet de détresse dans la salle où il se trouve, et évidemment ce qui lui arrive, la salle prend feu. Les spectateurs doivent sortir toute urgence, évidemment. Et dans les spectateurs, il y a notamment Deep Purple. Mm-hmm. Il faut savoir qu'après le concert de Saba, comme tout s'enchaînait, évidemment, Purple allait avoir la salle, notamment, pour pouvoir enregistrer leur album. Bon, ce qui doit arriver arrive, évidemment. Plus de salle de concert, plus de concert de Saba. Et bon, plus d'endroit pour enregistrer. Alors, ça, c'est la petite histoire dans la grande, évidemment. On va leur proposer des endroits les plus improbables possibles pour pouvoir enregistrer. Hein. Ça va être dans un abri anti-atomique. Enfin, ce qu'on appelle à l'époque, en 72, je le dis toujours, un abri anti-atomique. On va parler d'un studio mobile. On va parler d'une série d'appartements. Mais évidemment, ils vont faire trop de bruit, donc ils vont être dégagés. Et au final, on va leur proposer un hôtel qui est fermé pendant l'hiver, puisqu'on est pendant l'hiver, qui s'appelle l'hôtel du Territé. On est toujours en Suisse, et ils vont s'enfermer dans l'hôtel du Territé. Ils vont enregistrer cet album Machine Head, là, voilà. Bon. Et évidemment, l'album et le groupe vont connaître un succès monumental. Quand même. Parce que, qu'on soit fan de rock ou pas fan de rock du tout, qu'on s'y connaisse un peu ou pas beaucoup en musique, le titre qui arrive maintenant, tout le monde l'a déjà entendu au moins 25 fois. Aujourd'hui, au moins une fois. Au moins une fois, c'est vrai. Et tout le monde a déjà fait le gimmick qui arrive dans sa salle de bain, sur la table, au volant, peu importe. C'est l'histoire typique d'un morceau qui vous suit. Même quand vous ne le voulez pas, il est toujours là, ce morceau-là. Morceau donc qui va fêter ses 45 ans sur l'album Machine Head. Deep Purple, on retrouve bien évidemment Smoke on the Water, la petite histoire archi connue évidemment. Ils vont écrire les paroles, évidemment il y a les flammes qui se dégagent. Et la fumée de cette salle de concert où Zappa est occupé de faire son concert. Et donc ça va inspirer évidemment l'histoire et ça va inspirer évidemment les paroles pour ce titre. Smoke on the Water. C'est parti. Thank you. je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Broken shards are there we are at some time. Scatter around what you try to control on your land. It's not a matter of fate, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of fate, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. Allez, bien. Petite nouveauté qui fait du bien. Et nouveau. Voilà. On l'attendait, le second album des Algiers. Ah, quel bonheur. Que du bonheur. Mais quel bonheur, oh, mais oui. Quel bonheur. The Underside of Power, c'est également le titre de leur prochain album qui sortira le 23 juin. D'accord. À vos petites notes. Non. Alors, album qui a été produit par Adrian Utley de Portishead et mixé par Randall Dunn de Sun O. Il y a moyen. Il y a moyen. À savoir également qu'ils seront en première partie de Depeche Mode. Bon. Durant leur tournée européenne. Et donc pour nous. Et donc pour nous, ça signifie peut-être. Je n'ai pas la date exacte, hein, c'est bien possible. Peut-être. Calgears fera la première partie lundi prochain, le 29 mai. Hey. De Depeche Mode. Hey. Au stade. Pierre-Mauroy. Pierre-Mauroy. De Villeneuve-d'Ascq. C'est Villeneuve-d'Ascq. Ouais, c'est Lille. Et Villeneuve-d'Ascq. Voilà, donc si ça se trouve, on se retrouvera en compagnie d'Algiers en première partie de Depeche Mode. Fort bien. On va pas cracher dessus. Mais fort bien. Que voilà. Franchement, ça serait vraiment fort bien. Oh oui. Bon allez, on ouvre une petite page dans le monde de l'actualité mondiale et on va s'arrêter un petit peu en Turquie, où il y a des gens extrêmement bons. À peu près du chapeau, mais ils n'ont plus de chapeau, donc ils sont un peu trop près, les malheureux, ouais. Qui prennent des décisions. Mais en Turquie, il y a aussi des gens qui font de la musique, et on s'en va sur ce qui est un petit coup de cœur en devenir, peut-être, pour ma pomme. Ah. L'album s'appelle Fantasy Music, et Fantasy, F-A-N-T-E-Z-I, Musique M avec un U avec un tréma Zadika, qui pourrait se traduire par fantaisie somptueuse et pas musicale. D'accord. Voilà. En français. Ça chante en turc. Donc mon turc n'est pas très très bon. Le groupe s'appelle Jacuzzi. Ouais. Voilà. Au moins ils ont choisi un nom facile. Voilà. Hein. Bon, c'est écrit façon turque. Hein. J-A-Q-U-Z-I. Voilà, mais c'est jacuzzi quand même. Comme un jacuzzi. Voilà, ça c'est tout ça. Ce qu'on va écouter, c'est Kocha Birchnak Malk, Shak Malk, qu'on pourrait traduire par la mariée enthousiaste ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais je vous dis, mon turc n'est pas très très bien. Allez, Kocha Birchnak Malk, Jacuzzi sur leur album Fantasy Music. C'est parti. Thank you. Allez, miam. Un groupe à voir absolument en live. Miam, miam. Aurore, extrait de leur dernier album United States of Aurore, leur premier album d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà, et on écoutait Festat, l'album est sorti il y a une semaine et demie, plus ou moins. Bon, donc. Bien, bien. Oui. Un petit concert à se faire quand même, si vous voulez vous amuser. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Y a moyen. Moyen. Allez, Rouge Devant, avec cette sortie, ils nous ont habitués dans leur période années 90 à faire ça très très souvent. Et ils continuent depuis leur retour, La Muerte qui revient avec un opus en vinyle, avec une face 33 tours qui se joue en 33 tours. Il y a plusieurs titres et une face A généralement qui est en 45 tours où il y a le single. Mmh. Bon, ok, c'est un peu pour sortir des sous de la poche. J'avoue, parce que évidemment le morceau n'est pas nouveau, le morceau est plutôt connu, ça a fait un peu leur beurre là-dessus. C'est une reprise de Front de 4-2, Headhunter, mm-hmm. par La Muerte, et sur cette reprise on retrouve en featuring Richard 23 et Patrick Codenis de La Muerte, de Front de 4-2 justement, donc ben oui. Qu'à faire, on va se faire ça entre copains. Voilà. La face B, j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais c'est des versions remix. Bon, voilà. Je vous le dis, c'est pour sortir les sous de la poche, mais le vinyle est rouge, il est magnifique. Headhunter. Mmh. Ouais, je sais. Content. Ah ouais. Voilà. Bon, allez. La Muerte et Front 242, s'il vous plaît, quand même. S'il vous plaît. Pour le Headhunter, bah oui, petite chinoiserie comme ça, perdue sur l'album Tragedy for You, qui est un superbe album. Non, Front by Front, pardon. Le Front 242, milieu des années 80. Et 30 ans plus tard, boum, quoi. Je reste sans voix. Ouais, mais non, boum, boum, c'est formidable. Ok, d'accord. Le reste, c'est du remix. Je dis, c'est du vinyle. C'est beau, c'est joli. C'est vraiment pas indispensable. C'est un petit peu pour les fans, ça, j'avoue. C'est ce que j'allais dire. Et c'est pour tirer un peu des sous, mais quand même, voilà. Quand bon. On est fan, on ne compte pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, on n'est pas fan, mais. Non, on va dire au revoir sobrement. Sobrement, et toujours en hommage à Chris Cornell. Ouais. Forcément, après Soundgarden, on a. Audioslave. Audioslave, absolument. Super groupe, Chris Cornell et les musiciens de Rage Against the Machine. Quand même. Sorti en 2002, le premier album éponyme. Et sur cet album, on va écouter Coach Eyes. Bon, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Sortez couvert, soyez prudents. Et à la semaine prochaine. Bonsoir.